La section 77 de l'histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270 à 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rampeau. Les Slaves du Danube et de l'Adriatique, jusqu'à la conquête turque, par Stojan Novakovic et Albert Mallet. États slaves balkaniques, leur renaissance à la suite des croisades. Au début du XIe siècle, la longue lutte entre l'Empire slave de Bulgarie et l'Empire grec pour la suprématie dans la péninsule balkanique se terminait en faveur de Byzance. L'Empire slave, qui embrassant la Thrace, la Mésie, la Macédoine, englobait la majorité des peuples yougoslaves, succombait devant les aigles gréco-romaines rajeunies, triomphantes une fois encore sur la Save et sur le Danube. La conquête territoriale tendait à se compléter d'une conquête morale. Sous la protection de l'autorité impériale, la langue grecque envahissait lentement l'Église et les lettres. Dépouillés de leur indépendance politique, les Yougoslaves voyaient en péril jusqu'à leur indépendance intellectuelle. Cet état de sujétion politique, pour une partie d'entre eux, ne dura qu'un temps. Vers l'ouest, en un coin de l'Illyrie, là où se dressent les sommets sombres de la Tsernagora, les tribus serbes, un moment soumises, se soulevaient les premiers en 1012. Elles se détachaient complètement de l'Empire grec et se constituaient en un royaume indépendant que reconnaissait en 1077, dans l'espoir de les détacher de l'Église grecque, le pape Grégoire VII. La quatrième croisade changea complètement la face des choses dans la péninsule. La prise de Constantinople, les luttes entre les croisés et les Byzantins favorisèrent les tendances autonomistes, les aspirations d'indépendance des divers peuples de la péninsule. Les Serbes furent les premiers à profiter des circonstances. Leur noyau d'État se développa. Leur activité se déploya surtout vers le sud-est et le centre de la péninsule, vers le Čardak et la Morava orientale, particulièrement avec le roi Bodin de 1081 à 1101. Les Bulgares, tout divisés qu'ils fussent, imitaient l'exemple des Serbes. Ils reconstituaient l'État bulgare dans les limites de l'ancienne Mésie jusqu'au Balkan oriental, 1186. État serbe, État bulgare, en ces deux rejets de vigueur pareils, refleurissait la puissance des Slaves balkaniques. La chute de l'Empire latin de Constantinople en 1261, la restauration de l'Empire byzantin, n'arrêtèrent en rien le développement des États slaves. Les accroissements territoriaux continuèrent à se faire aux dépenses de Byzance. Les progrès furent même plus marqués après 1261. Ce n'était pas seulement avec l'Empire grec que devaient lutter les Slaves indépendants. La Hongrie, depuis longtemps maîtresse de la Croatie et de la Slavonie sur la rive gauche de la Save, prétendait à la domination sur la rive droite. Elle entendait se soumettre la Bosnie, la partie de la Serbie comprise entre Rutnik et la Drina, et que l'on appelait la Mačva, ainsi que la Dalmatie septentrionale. La résistance était vive dans les régions convoitées. Sur le littoral de l'Adriatique, de Zara jusqu'à Parga en Épire, se maintenaient les anciens municipes romains. En Dalmatie, la Hongrie se heurtait à l'ambition rivale de la République vénitienne, dans la Bosnie et dans la Mačva. Il fallait compter avec les princes bosniaques et les rois serbes. Là où les États slaves dominaient sans conteste, C'était dans la bande de territoire que délimite entre l'Adriatique et la mer Noire, au nord des Crêtes, du bassin méridional de la Save et le cours du Danube, au sud la chaîne principale des Balkans et les massifs du Rilodac et du Tchardac. La partie orientale, au-delà du bassin de la Morava, appartenait aux Bulgares. Les Serbes occupaient la partie occidentale. Les premiers s'adossaient à la mer Noire. Les autres s'étendaient le long de l'Adriatique d'Alessio jusqu'à Raguse. Naturellement, Bulgares et Serbes s'efforçaient de s'étendre au sud des Balkans, dans ces régions où la faiblesse de Byzance laissait un vaste champ d'expansion à leur activité. Les Bulgares tendaient vers le bassin de la Maritsa et par-delà de Despoto, Dag, vers la Struma, Strymon et le Vardar. Mais les bassins de ces deux fleuves étaient également convoités par les Serbes. De là, entre les deux États slaves, les conflits qui s'ajoutaient à ceux existant déjà dès le début du XIIIe siècle au sujet de la Morava supérieure orientale. À la fin du XIIIe siècle, particulièrement sous le roi Milutin, la victoire se dessinait en faveur des Serbes. Fin de la section 77. Lupa Sandra, Montréal, 2022.